Ainsi se termine cette nuit des prix littéraires, commencée en votre compagnie, Luc Fraisse, vous qui éditez chez Bernard de Fallois, Le mystérieux correspondant et autres inédits de Marcel Proust. Marcel Proust qui fut le prix Goncourt 1919, donc pour l'ombre des jeunes filles en fleurs, puisque le prix Goncourt, eh bien, on l'a fréquenté beaucoup au cours de cette nuit, ne serait-ce qu'avec La condition humaine, André Malraux, l'adaptation de son roman, et puis l'adaptation aussi pour les ondes au cinéma de Léon Morin-Prêtre, le roman de Béatrice Beck, mais il y avait beaucoup d'autres prix, Femina et autres, dont il était question. Nous avons commencé cette nuit avec vous, je le répète, sur l'idée peut-être que Proust aurait pu avoir, finalement, s'il avait publié des nouvelles à partir de 1903, ce qui n'a pas été le cas, il l'a fait plus tôt, et finalement le prix Goncourt a été attribué parfois à des recueils de nouvelles, mais c'était fini les nouvelles. Oui, malgré tout. On a dit parfois qu'il y avait des fragments de récits courts dans La recherche du temps perdu. C'est un tel fleuve qu'il peut transporter avec lui toutes sortes de formes annexes. Mais enfin, il est certain qu'on le voit avec Jean Santeuil, commencé dès 1895, c'est que Proust, il est fait pour écrire l'œuvre d'une vie, une seule œuvre. Il n'a jamais connu l'entre-deux œuvres. Ce n'est pas un de ces écrivains qui se dit « j'ai publié un roman bien, je dois repartir à zéro, que vais-je écrire ?» Lui, il est lancé dans une création continue. Alors, les nouvelles, vous nous avez dit les titres, certains titres, mais on pourrait peut-être les donner. Pauline de Hesse, Le mystérieux correspondant, qui donne le titre au volume. Souvenir d'un capitaine. Jacques Lefeld, Aux enfers. Après la 8e symphonie de Beethoven, La conscience de l'aimer, Le don des fées. C'est ainsi qu'il avait aimé. C'est ainsi qu'il avait aimé, entre guillemets. C'est bien aussi une phrase tout à fait proustienne. Tout à fait. L'amour est toujours mis au passé ou conjugué par prétérition. Hein. Mais Proust a besoin de cette complication pour fructifier. Si Gilberte et Albertine étaient débordantes d'amour pour le héros, le narrateur aurait du mal à lancer sa machine. Et si la mère et la grand-mère avaient moins aimé peut-être aussi le jeune narrateur ? Voilà, il n'avait pas une vocation de David Copperfield. Il n'est pas né coiffé, alors, comme Copperfield. Exactement. Bon, alors, en tout cas, on se réjouit d'avoir que, grâce à vous, ces nouvelles inédites soient parues, Luc Fraisse, parce que vous auriez pu aussi, ayant étudié les cartons, les ayant ouverts, comme ça, vous dire, bon, finalement, non. Dire aux éditions Bernard de Fallois, non, ça ne mérite pas. Non, au contraire. Mais ça mérite, au contraire. Oui, mais d'ailleurs, Dominique Gust en a été tout à fait convaincu. C'est très intéressant, quand un écrivain est complexe, de regarder par quoi il a commencé. Parce qu'il livre des secrets sur lui-même qu'il retiendra plus tard. On pourrait penser qu'un écrivain de la maturité se montre le mieux tel qu'il est, mais en réalité aussi, il a intériorisé beaucoup de choses. Alors qu'un écrivain qui commence, il ne peut pas tout surveiller. Non, ce n'est pas indiscret, puisque c'est une question de création. Mais enfin, on comprend beaucoup mieux ce qu'il est comme écrivain dans les premières œuvres, une sorte de laboratoire. C'est ça qui est intéressant. Merci Luc Fraisse. Merci à vous. Cette nuit des prix littéraires se termine. Philippe Garbi, Élise Le, Hassanem Béchour, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Et vous pourrez bien entendu réécouter l'entretien, toutes les émissions, toutes les archives sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les verres à porter l'écriture. On s'est pointé à 20, on a mis d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché, sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pousse en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, y a guère que la tonnière qui aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cache-néon.